Chapitre 11e. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Charles Baudelaire. Le soir était là. La montagne qui abritait une partie du peuple des Drachnites ne laissait filtrer ni le jour ni la nuit, mais on sentait son énergie vibrante et mystérieuse. Depuis mes premiers voyages en Elphinie, j'ai appris que ces distinctions du jour et de la nuit étaient essentiellement vibratoires pour les elfes. Le jour est nourri par le soleil, la nuit est nourrie par d'autres énergies dont la lune n'est pas la moindre. Les peuples elfiques ne font qu'unement la distinction que font les humains entre ces deux états, jour, nuit, si ce n'est pour les besoins qu'ils en ont. Ou plutôt, ils font la distinction en accueillant les énergies de la nuit et du jour pour ce qu'elles apportent. Ainsi, mes amis elfes qui liront mes récits se demanderont « Le soir, quel soir ? Le soir du soir ou le soir de la nuit ?» Donc, je dois rajouter la précision importante pour mes amis elfes, le soir de la nuit était là, sombre, impénétrable et porteur des signes indéchiffrables de ce moment. Plus que jamais depuis les récentes découvertes, je sentais le poids de la promesse faite à la reine Odeline. Ces derniers mots résonnaient étrangement en moi depuis que j'avais découvert le coffre. « Alors, tu promets tout. » Vers quelles autres découvertes extraordinaires m'entraînerait cette promesse ? De quel dragon parlait le roi ? Verrais-je Tully ? Je pensais rarement au danger en Elphinie, bien que ma vie, du fait même que je sois en Elphinie, fût quotidiennement en danger à cause des changements vibratoires. Je n'avais jamais eu vraiment peur, jusqu'à ma rencontre avec Tully, sans doute parce que j'étais seul face à lui. Avant de partir, je pris dans la nuit le temps de répondre à la lettre de mon ami, le prince Irimald. Pour la première fois, je ne savais comment lui répondre. Nos échanges avaient toujours été empreints de cette liberté qu'il peut y avoir entre un grand seigneur, fin lettré, sachant tout ce qui se passe dans le monde, et une humaine fée, de loin sa cadette. Notre correspondance, très éclectique, était un subtil équilibre de confiance et de délicatesse. C'était un émerveillement de ma part pour tout ce que je rencontrais et tout ce que je vivais. De la part de mon ami, c'était des commentaires sur mes découvertes, quelques conseils qui, bien des fois, m'avaient été ô combien utiles. Les remarques du prince Irimald, comble d'humour et de raffinement, me parlaient de l'Elphinie en me parlant très peu de lui-même. Pour la première fois, j'avais senti dans sa lettre une réticence inquiète, à peine exprimée. Sa missive, voilée d'une sourde mélancolie, me fit ressentir profondément mes propres incertitudes. Je ne lui parlais pas de ma chute, peu du trésor, quelques mots sur les documents trouvés, mais lui fit part de ma décision de partir connaître les dragons et d'aller pleinement vers ma définitive destinée. Je finissais par ces mots. « Les grèves de notre île me manquent tant. » Je réalisais à ce moment-là que celle que je nommais auparavant l'île était devenue mon île. Je parlais comme l'Elgara. L'humaine était désormais bien loin de moi. Malgré cela, je finis par m'endormir avec dans la main le coffret des pièces d'or du comte de Toulouse. Nous devions partir à l'aube. La pluie avait cessé depuis 2 jours, mais le sol et même les rochers sentaient la pluie et l'humus frais. Un brouillard épais nous attendait à l'extérieur de la montagne. Avant de quitter Skatavektar, je confiai la lettre pour mon ami Irimald à un héros qui regagnait le jour même Arnancore. Alors que nous partions, il eut un geste étrange dont je devais me souvenir bien plus tard. Il tendit la lettre au noble roi, qui la garda un instant entre ses doigts, et silencieusement la lui remit en inclinant la tête. Bientôt je n'y pensais plus, mon esprit entier était accaparé par la beauté sereine et grandiose du paysage qui se déployait peu à peu alors que la nuit disparaissait lentement. Paysage est un mot pour le moins incongru, pour qualifier ce qui se présentait devant mon être en ce matin brumeux. Lors de notre arrivée à Skatavektar, nous étions entrés par le sud à travers la porte d'Améthyste. Venant de plus au sud encore, nous frayons un passage, parfois péniblement, dans la montagne entre les éboulis gigantesques. La nature austère semblait lors de notre arrivée façonnée par des roches et des apics impressionnants. Pour prendre la direction de la pointe du dragon couché, nous venions de passer à travers la montagne, par un dédale de corridors, vers la porte la plus au nord. La contrée vers laquelle nous partions offrait la vision titanesque mais apaisante des immenses séquoias. Au fond d'une vallée verdoyante, disparaissant presque comme un sentier d'argent entre les arbres, la rivière de Trollbat minuscule sillon, serait notre première étape, que nous mettrions 2 jours à atteindre. Étrangement, mon épaule me faisait moins souffrir. Ulgar, avant le départ, avait changé le cataplasme et m'avait remis une pierre, de couleur vert pâle, que je devais garder sur moi tout au long du voyage. Comme je portais le collier du prince Irimald, il me conseilla de le passer sous l'eau d'une fontaine voisine, en me suggérant de refaire ce geste à chaque point d'eau que nous rencontrerions. « Ce collier est un bijou sans pareil, » me confia-t-il. « Il est bien plus précieux que l'or et les diamants. Seuls les fées peuvent en général en porter, car il est impossible de s'en procurer ici en Elphinie. S'il vous arrivait de le porter souvent, vous auriez un jour le privilège de voir fleurir sur vos épaules des boutons de fleurs dont le parfum est si suave qu'une légende raconte que les sirènes elles-mêmes jalousent les fées à cause de ce parfum. Mais, ajouta-t-il avec son air malicieux, vous êtes une fée désormais assez puissante pour supporter sa magie, et les sirènes vous laisseront tranquille. Je passai délicatement le bout des doigts sur le lien si fin et sur les minuscules feuilles qui, une à une, commençaient à s'étendre autour de mon cou. Les gouttes d'eau qui restaient sur le menu feuillage semblaient des microcosmes aquatiques. Peu à peu, elles paraissaient entrer en symbiose avec mon corps d'humaine si rude et rigide, comme le sont les corps des humains. Nous partîmes alors que le soleil perçait la brume et drapait la vallée d'une aurore pâle qui tantôt se posait sur la brume, tantôt la traversait, ce qui m'avait permis de découvrir la vallée dès les premières lueurs de l'aube. En tête de notre compagnie était Dinmour, le roi Imrold le suivait, alors que Ulgar fermait la marche avec Ilfgur. J'étais juste derrière le roi. Comme toujours, j'étais plus lente que mes compagnons, mais cette fois encore, mes amis surent adapter leurs pas aux miens. Svarin nous rejoindrait plus tard avec Eakt, que je ne connaissais pas encore, et qui nous accompagnerait pour connaître les dragons. Lorsque le roi Imrold avait annoncé que Eakt et Svarin nous rejoindraient plus tard, Dinmour avait échangé un regard impénétrable avec Ilfgur, mais ce seul regard m'incita à penser à quelque mystérieux secret. Le très fin Ilfgur me lança un regard moqueur. « Ce n'est pas un secret comme les autres, » murmura-t-il en s'inclinant vers moi. Dinmour se pencha soudainement vers lui et, avec un sourire narquois, lui enjoignit de se taire. « La noble fée n'a pas besoin de ton enseignement sur ce sujet-là. » « La noble fée doit être avertie des ouragans qui la frôleront. »« La noble fée, » intervint le roi Persifleur, « connaît si bien les nains des plaines bleues qu'elle n'a aucune peine à imaginer ce qui dérange le prince Ilfgur. »« Prince ? Prince Ilfgur ? » susurrai-je silencieusement à l'égard de Dinmour. Celui-ci sourit franchement et soupira d'un geste comique. « Oui, très noble dame, vous voyez que cela ne l'empêche pas de tenter de révéler des secrets d'Elphinie. » Et il clama à haute voix, en se tournant vers Ilfgur. « Enfin, tant qu'il ne s'agit pas de révéler la recette du Rabjorn. » Il faisait là allusion à la fascination gustative que j'avais pour cette forte et amère liqueur de fleurs d'aubépine, apanage des nains des basses plaines, qui en buvaient à tout propos et parfois, il faut le dire, démesurément hors de propos. Que Ilfgur soit prince n'avait rien de surprenant en soi. Les proches du grand roi pouvaient difficilement être de simples gardes. Pendant une pause, alors que Ulgar vérifiait ma blessure, je suivais des yeux Ilfgur et Dinmour qui se chamaillaient gaiement. Ulgar, avec sa sagacité habituelle, m'expliqua. « La protection de la maison Nimrold ne peut être confiée qu'à ce que, en Numania, vous nommez des chevaliers, des guerriers prêts à se battre pour Elphinie. Vous découvrirez que nos peuples, s'ils ne sont pas belliqueux, ont eu souvent à se battre contre main d'Angers. » Il y a certains princes qui, depuis leur plus jeunes âges, en raison d'affinités particulières, sont destinés à la protection de notre dimension. Ainsi, les guerres et les combats existent aussi en Elphinie. Ils sont bien différents de ceux que vous connaissez en Numania. Ici, ce sont des forces magiques, supérieures et colossales qui se heurtent. Ce n'est ni pour l'or, ni pour le pouvoir. Vous découvrirez cela, bien certainement, noble dame, conclut Ulgar doucement. Le prince Irimald fait-il partie de ses chevaliers ? Le sage Ulgar hésita un infime instant. Il jeta un coup d'œil dans la direction du roi, puis, posant ses yeux dans les miens, il conclut. « C'est le plus noble de tous, noble Elgara, le plus intrépide, mais aussi le plus sage. » Il me sembla qu'Ulgar ne souhaitait pas poursuivre cette conversation et je ne posais plus aucune question. Les questions sont par principe embarrassantes pour tout elfe, quel qu'il soit même le plus ouvert au monde d'Humania. Nous repartîmes. Notre marche se poursuivit jusqu'à la tombée de la nuit. Nous avions presque atteint la vallée lorsque, brusquement, un sifflement léger dans mes oreilles et une douleur à l'épaule me firent trébucher. Je posai la main sur le collier et lentement la douleur s'apaisa. J'avais plusieurs fois mis le collier dans l'eau d'une source. Chaque fois, le collier avait semblé s'immerger en moi avec une force nouvelle. Il ne se détachait de moi que lorsque ma pensée traduisait mon désir de lui offrir l'eau d'une source. Il se positionnait ensuite de nouveau à la même place, avec une douceur et une sensation de bien-être qui, à cet instant, me faisait penser à la fée Odeline. Nous nous arrêtâmes dans une minuscule clairière, près d'une source dont le murmure me fit penser à un doux chant, aux sonorités cristallines. Notre repas fut composé d'une succulente compotée de champignons et de baies roses. Un pain de fruchtflarn aux fruits compléta ce souper qui, pour frugal qu'il fût, était sous les immenses séquoias et près de cette source, le meilleur qui soit. Après le repas, Ylfgur sortit d'une de ses innombrables poches une flasque de talc qu'il partagea avec Dinmour. Le roi et Ulga déclinèrent l'offre de boire, mais participèrent avec Ylfgur et Dinmour au nombre rituel de l'ouverture de la fiole en buvant de l'eau fraîche de la source. Depuis ma blessure à l'épaule, je ne désirais plus boire de vin, de crainte de ne pouvoir maîtriser la douleur qui m'avait fait tellement souffrir récemment. J'étais un peu à l'écart, contrairement à mon habitude, assise contre un arbre, lorsque le roi Imrold vint me tendre un gobelet d'argent rempli d'une boisson odorante à base de plantes. Le sage Ulgar s'est laissé emporter par le rituel et a finalement goûté le talc. Vous aurez besoin de ses soins, sans doute. Non, dis-je en portant inconsciemment la main au collier qui offrait à tout mon être une douce protection. Souhaitez-vous prendre place ? Et craignant que ma désinvolture ne soit indiscrète, j'ajoutai rapidement « Ô grand roi !»« Merci, ô noble fée !» dit le roi, à rien moqueur, en s'asseyant à la modèle fique au pied d'un arbre. Je ne pus m'empêcher de sourire en constatant que le séquoia contre lequel il s'était assis était certainement le plus grand de la clairière. Le roi, une fois de plus, surprit mes pensées. « Cet arbre est celui qui m'appelait en premier. Comme moi, il a besoin de beaucoup d'énergie. »« Je peux changer de place, » dit-il railleur, en désignant une large pierre plate. À cet instant, les rameaux les plus bas du séquoia semblèrent animés d'une vie intense et se mirent à bouger frénétiquement. Le roi passa sa main dans le feuillage bas et, me regardant aimablement, ajouta « Je reste ». Il sembla écouter un instant l'arbre, les yeux mi-clos, puis ajouta, un sourire à peine effleuré sur les lèvres « Il vous invite à venir aussi ». Il toucha de sa main gauche les racines de l'arbre tout en portant sa main droite à son cœur en un dialogue silencieux. L'arbre s'apaisa aussitôt. Je me déplaçai, et lorsque mon dos se posa contre lui, je sentis toute la vanité de mon sourire. Une telle énergie m'était soudainement offerte avec une telle générosité que j'en eus les larmes aux yeux. Je souris au roi et lui dis simplement « Moi aussi, je reste ».